Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Michel Legrand, la musique sous toutes ses formes. J'aime toutes les musiques, c'est-à-dire que une très belle chanson est beaucoup plus importante que beaucoup d'opéras italiens. Une petite mélodie du folklore peut vous dévaster d'émotion. J'aime le jazz à la folie, parce que le jazz, c'est l'immédiat, c'est l'improvisation. Michel Legrand, à l'émission Pour un oui, pour un son de la radio-télévision suisse en 2014. Amoureux de toutes les musiques, Michel Legrand sera lui-même un compositeur touche-à-tout, musique de film, chansons, jazz, musique pour big band. La carrière de Michel Legrand l'amène à explorer un spectre incroyable de genres musicaux différents. Et quoi qu'il touche, le succès sera à peu près toujours au rendez-vous. Je ne peux rien jouer à coup sûr. C'est-à-dire que lorsqu'un metteur en scène me dit « voilà, je voudrais faire une musique comme ça », eh bien, quand je travaille sur son film, que je vois son film, j'ai naturellement, de par ma nature même, envie d'essayer des choses nouvelles. Alors j'essaye de lui en parler, mais les mots sont difficiles pour expliquer de la musique. Alors j'écris un score, j'écris une musique, et tout à coup c'est tellement osé ou différent ou inattendu pour lui ou un peu étonnant ou surprenant que plusieurs fois, je dirais pas souvent, mais un bon nombre de fois, les producteurs metteurs en scène m'ont dit non, ça ne va pas, et ma musique restait dans la salle de montage par terre, et c'était un autre qui en faisait la musique. Donc un échec, un échec ou un succès sont pour moi des pôles qui me sont hélas indispensables, parce que je pourrais jouer tout plus facilement, mais je ne peux pas, je ne le veux pas, c'est malgré moi, même si ma lâcheté, ma facilité, ma faiblesse me disent de temps en temps, allez vas-y, recommence, tu te rappelles de ça, je ne peux pas. Dis, m'en veux surtout pas, si ma chanson a un parfum de sur la chanson « Un parfum de fin du monde » tiré du film « Les uns et les autres » de Claude Lelouch, vous entendiez Michel Legrand à l'émission française Radioscopie en 1989 pour nous parler de l'exceptionnelle carrière de Michel Legrand. Je reçois le critique de cinéma au journal Le Devoir, André Lavoie. André Lavoie, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, il appartient, Michel Legrand, André Lavoie, vraiment à la race des plus grands, à la race des géants. Comment décrire la place unique qu'il occupe dans la culture populaire française et dans le monde de la musique, André? Bien, en fait, c'est un artiste, Michel Legrand, qui est aussi doué qu'ambitieux. D'abord, il maîtrisait plusieurs instruments de musique, le piano, la trompette, le trombone. Et surtout, il le dit lui-même et il l'a répété tout au long de sa carrière, c'est quelqu'un qui refusait de s'enfermer dans un genre musical ou de fréquenter un seul type d'artiste. Il était autant fasciné par les cinéastes que les chanteurs populaires, que les autres compositeurs de musique aussi. Et c'est sa grande capacité aussi d'adaptation. C'était quelqu'un qui aimait évidemment beaucoup le cinéma. Il a fait à peu près 150 partitions pour le cinéma, mais il refusait pas non plus de faire, par exemple, des musiques de séries et d'émissions pour enfants, ce qui fait que des publics de tous les âges, des publics téléphages, des publics cinéphiles, des publics jeunes, des publics plus âgés, tout le monde connaissait une partie de l'immense talent et de la grande carrière de Michel Legrand, carrière qui a pu être internationale parce qu'il avait une fascination profonde pour les États-Unis, et les États-Unis lui ont bien rendu, parce que à partir des États-Unis, il a pu rayonner à travers le monde. Il faut dire aussi que dans son carnet d'adresses, par exemple, il y avait des gens comme Quincy Jones, Michael Jackson, Barbara Streisand, Miles Davis, Ray Charles. Alors, quand on connaît des gens comme ça, ça aide un peu à ouvrir des portes. Ouais. Mais je vous dirais aussi que cet éclectisme-là qui a fait la marque de Michel Legrand, ça a été un peu son talon d'Achille dans la culture française, justement, parce que on n'aime pas beaucoup les artistes qu'on peut pas très, très bien étiqueté. Et Michel Legrand avait horreur de ça. Donc, c'était quelqu'un dont l'éclectisme était à la fois sa force, mais aussi en France, c'était un peu une sorte d'objet de curiosité. Oui, mais évidemment, le lien quand même, malgré cet éclectisme qui a fait sa force, le lien, c'est la musique. La musique, elle est là partout, tout le temps pour lui. Et très tôt, il faut dire qu'il vient d'une famille de musiciens lui-même. Oui, on peut dire que c'est un enfant de la balle, mais aussi qu'il a été un peu marqué, forgé et construit en réaction contre son père. Alors, Raymond Legrand était un musicien, un arrangeur pour un grand orchestre qui était très populaire en France avant la Deuxième Guerre mondiale et même pendant, qui était le grand orchestre de Ray Ventura. Et Raymond Legrand, en fait, il a commis deux gestes qui, aux yeux de son fils Michel, il a marqué pour toute sa vie. C'est que Raymond Legrand a quitté sa famille, Michel n'avait pas encore 5 ans, et il a collaboré avec les nazis. Et donc, Michel, très tôt, a réalisé, il a vécu très mal ces deux trahisons. Et ça prendra quand même plusieurs années avant que, en quelque sorte, Michel Legrand pardonne à son père. Pardonner, c'est un bien grand mot, mais ils vont collaborer ensemble pendant de nombreuses années. Et mine de rien, Michel Legrand va apprendre son métier d'arrangeur et de compositeur de musique de film aux côtés de son père Raymond. Autre chose aussi, il vient quand même d'un milieu très pauvre, justement parce que le père a déserté le foyer familial. Dans la maison, il y avait un piano très désaccordé et Michel, enfant, s'amusait à reproduire des airs qu'il entendait à la radio. Et sa mère voyait là comme un moyen de subvenir aux besoins de la famille pour faire de Michel, dans le fond, une sorte de bête de foire. Mais rapidement, on lui a fait comprendre que l'énorme talent de son fils, il devait apprendre la musique et il a réussi à être accepté à l'âge de 10 ans au Conservatoire de Paris. Et c'est là qu'il va rencontrer la grande et la tyrannique et mythique professeure Nadia Boulanger, qui va avoir une influence déterminante dans la carrière de Michel Legrand. Elle va lui apprendre beaucoup de choses, parce que Michel Legrand, d'abord, n'aura pas été à l'école très longtemps. Et il va aussi lui apprendre une chose qui va le guider toute sa vie, à savoir l'exigence, et même l'exigence aussi jusqu'à la tyrannie. Oui. Et c'est dans le monde de la variété, vous l'avez un peu abordé, mais que Michel Legrand, que son père d'abord a connu, que Michel Legrand lui-même va connaître, c'est par là qu'il fait ses débuts comme accompagnateur, comme arrangeur. Oui, mais en fait, après 10 ans de conservatoire, Michel Legrand va se rendre compte que la musique classique, c'est pas vraiment le type de musique qu'il veut défendre, qu'il veut porter, non seulement comme concertiste, comme musicien, mais aussi comme compositeur. Et il doit aussi gagner sa vie. Alors, c'est ce qui fait qu'à la fin des années 40, il va se retrouver à travailler dans ce monde-là des variétés françaises. Et là, il va rencontrer, comme orchestrateur et comme accompagnateur, les plus grands noms de la chanson française de cette époque-là. Alors, si je vous parle de Henri Salvador, Juliette Gréco, Maurice Chevalier, Charles Trenet, Jacques Brel, il a même fait des arrangements de chansons rock américaines avec Boris Vian. Il était très ami, d'ailleurs, avec Boris Vian. Alors, ces 10 années-là, à partir de la fin des années 40, où il travaille avec les grands de la chanson française, il va se faire un nom, mais d'abord et avant tout comme arrangeur et comme accompagnateur, et ça va l'amener, grâce à Jacques Canetti, qui était le grand patron de la compagnie de disques Philips, à produire un album qui va être un tournant important dans sa vie, dans sa carrière. Son premier album, « I Love Paris ». C'est donc en 1954, André Lavoie, que Michel Legrand lance son premier album « I Love Paris » sur lequel il reprend, entre autres, cet air qu'on vient d'entendre, « L'air des feuilles mortes ». Quelle importance a ce disque pour lui, André? En fait, « I Love Paris », c'est une sorte de passeport pour l'Amérique. Il a fait ce disque à la demande de Jean Canetti et il va en vendre 8 millions d'exemplaires. Il va d'ailleurs avoir une suite. Il va faire « I Love Rio »,« I Love Vienne ». Ça va devenir une sorte de concept qui va le faire connaître un peu partout à travers le monde. Et aux États-Unis, pour le remercier d'un si grand succès, on va vouloir faire un album plus personnel avec Michel Legrand. Et faut le dire, enfin, ça s'entend, Michel Legrand est un fou de jazz, oui. Un passionné de jazz. Il a raconté maintes et maintes fois à quel point, en 1948, le concert auquel il a assisté de Dizzy Gillespie, ça a été un coup de tonnerre, un coup de foudre, et il ne s'est jamais remis de ce choc-là, de sa rencontre avec le jazz. Alors, lorsqu'on lui demande de faire un album à son goût, au lieu de prendre un grand orchestre ou de faire quelque chose d'un peu plus classique dans la lignée de ce qu'il a déjà fait, lui demande d'aller à New York et d'enregistrer un album de jazz avec les plus grands du jazz de l'époque, des gens comme John Coltrane, Bill Evans, Miles Davis, et en 3 sessions d'enregistrement, il va pondre un album qui s'appelle « Le Grand Jazz ». Et cet album-là va devenir mythique auprès des jazzmen américains. Et il va devenir aussi mythique parce que c'est probablement... C'est un des seuls albums où la plupart des gens, de ces grandes légendes du jazz, vont se retrouver dans le même studio à travailler ensemble. Et ça... juste pour ça, c'est grâce à la persuasion et à l'amour du jazz de Michel Legrand, oui, d'avoir su réunir ces gens-là autour d'un même projet. Le jazz, c'est pas seulement de la musique, c'est aussi une pulsation mystérieuse. Ça me rappelle tout à fait, moi, les cérémonies vaudou. Quand vous avez une cérémonie vaudou, comme par exemple j'ai assisté au Brésil, il y a 200 ou 300 instrumentistes qui ne jouent pas de musique, ils font seulement des tempos. C'est exactement la musique que demandent les mystères de marcher sur du feu, grimper aux arbres les pieds d'abord, faire des choses surhumaines, quoi. Et le jazz, c'est ça. Quand on écoute un vrai musicien de jazz, on dit « il swing ». Il swing, ça veut dire qu'il y a un balancement mystérieux qui fait que, à son approche, on se met à bouger, on se met à danser, on se met... Et c'est malgré nous, on est saisi par cette musique, comme le vaudou. Sur la pièce qu'on entend, Wild Man Blues, tirée du disque Le Grand Jazz, que Michel Legrand enregistre donc à New York en 1958, vous entendiez justement Michel Legrand parler de son amour du jazz à l'émission I Love Legrand, diffusée à France Inter en juillet 2019. Comment décrire? Vous l'avez un peu fait déjà, André Lavoie, mais ça occupe une telle place, cet amour, cette passion du jazz dans la vie de Michel Legrand. Comment décrire son rapport au jazz, la place qu'occupe pour lui le jazz? Bien, d'abord, il faut comprendre que venant d'une formation classique, le jazz devenait en sorte une espèce de passeport pour la liberté. C'était le plaisir de créer, de faire de la musique sans contrainte. Il aimait, il adorait, et il l'a fait plusieurs années lorsqu'il vivait aux États-Unis, de se retrouver avec des copains musiciens pour improviser. Et donc, cette musique-là, c'est une musique qui fait éclater les conventions, mm-hmm, et ça convient tout à fait à l'esprit souvent anticonformiste de Michel Legrand. Et d'ailleurs, son anticonformisme sur le plan musical, ça va se retrouver bien sûr dans son éclectisme, mais ça va se retrouver aussi dans la défense qu'il va faire de différents artistes dont les gens autour ne croient pas. Et l'exemple emblématique de cette passion du jazz collée à quelqu'un qui, au départ, n'était pas destiné à faire une grande carrière ou à être connu, point, c'est Claude Nougaro. Mm-hmm. Au début des années 60, il va travailler avec Claude Nougaro, qui était alors parolier, mais c'était un parolier qui avait un sacré problème. Personne ne voulait chanter ses chansons. Mm. Et c'est Michel Legrand qui va réussir à convaincre Claude Nougaro de les chanter lui-même, et en 1963, ça va donner naissance à l'album Le Cinéma et au premier succès qui vont lancer la carrière de Claude Nougaro. Carrière, musique, marquée par l'amour de Claude Nougaro pour le jazz, mais aussi et surtout par l'amour dévorant et énorme de Michel Legrand pour cette musique-là. Et d'ailleurs, lorsqu'on écoute à travers toute sa carrière, c'est comme une sorte de fil conducteur, cette passion-là, oui, qu'il a pour le jazz, pour l'improvisation. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne garderai, mais mon amour ne peut évidemment pas faire une émission sur Michel Legrand sans parler de cette musique du film Les Parapluies de Cherbourg, un film réalisé par Jacques Demy en 1964. C'est probablement, André Lavoie, l'une des musiques les plus connues de Michel Legrand. Qu'est-ce qui fait que cette musique est une si grande musique? Vous savez, l'écrivain Mark Twain disait qu'il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Eh bien oui, Michel Legrand et Jacques Demy ont fait ce film formidable, cette musique absolument envoûtante, très mélancolique, superbement accrocheuse. Michel Legrand était déjà un compositeur assez connu dans le cinéma français. Il avait déjà fait plusieurs musiques de films. Il a rencontré Jacques Demy à la faveur d'une première collaboration sur Lola avec Anouk Aimée. Et ils ont eu rapidement cette idée de ne pas faire un film qui est un film opéra ou une comédie musicale, mais leur slogan, c'était de dire « Nous allons faire un film enchanté ». Un film où les acteurs chanteraient leurs dialogues et qui serait chanté par des voix qui ne sont pas celles des acteurs. Alors ça, écoutez, juste réussir à vendre ça à des producteurs, ce fut épique. D'ailleurs, ça a été extrêmement difficile. Et ça a pris tous les efforts pour le faire. Et il y a des gens qui disent que c'est parce que le film aborde la question de la guerre d'Algérie. Mais à mon avis, puis de l'avis de plusieurs, c'est à cause du caractère tout à fait exceptionnel du film, le fait que les acteurs chantent, non pas dans un contexte de numéros musicaux, mais dans leur quotidien, la vie qu'ils mènent, et que les gestes les plus banals, les paroles les plus banales soient chantées. C'est ça qui fait la singularité du film. C'est un pari qui était très audacieux à l'époque et qui a été pleinement réussi, et ça fait en sorte que c'est devenu un des plus grands films d'amour et des films musicaux de toute l'histoire du cinéma français, qui a permis à Catherine Deneuve de faire une fois de plus rayonner sa grande beauté et son grand talent, mais en plus de déconstruire par la même occasion toute l'idée qu'on avait à l'époque du film musical et de la comédie musicale. Et ça a été pour lui, pour Michel Legrand, cette musique-là, ce film-là, une formidable carte de visite. Un des plus formidables compositeurs de cinéma, c'était Henri Mancini. Oui, oui. Car Hank, c'est Henri Mancini, il était vraiment le patron de la musique de cinéma là-bas. C'était le grand chef, c'était le meilleur, c'était le plus formidable, tout ça. Alors il me dit, voilà, j'aime tellement ce que j'ai vu Les Parapluies, j'ai été tellement impressionné, je vais vous aider beaucoup. Et je veux que vous deveniez un des nôtres. Un des nôtres. Alors je dis, mais cher Henri, mais il me dit, voilà, je vais vous donner mon agent, c'est le meilleur, quittez celui que vous avez, je m'occupe de vous. Et dans les 8 jours qui suivent ce dîner, j'apprends, on me demande la musique d'un film qui s'appelle L'affaire Thomas Crown. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cabin where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face. And the world is like an apple whirling silently in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Avec cette chanson « The Windmills of Your Mind »,« Les moulins de mon cœur » en français, tiré du film de Norman Jewison, « L'affaire Thomas Crown », Michel Legrand remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1969. En fait, Michel Legrand, qui emménage à Hollywood en 1966, va devenir assez vite une grande vedette, grâce entre autres au coup de main que va lui donner Henri Mancini, comme on vient d'entendre dans cet extrait de l'émission « Viens voir les musiciens » qu'on écoutait à l'instant. Parlez-nous de cette période hollywoodienne qui va être importante pour lui. À quoi ressemble cette fin des années 60 à Hollywood pour Michel Legrand, André Lavoie? Ça sera des années capitales pour Michel Legrand parce que à Los Angeles, il va en fait consolider sa réputation internationale grâce à 2 Oscars qu'il va gagner en l'espace de quelques années. Il y en aura un plus tard pour la musique du film Un été 42. Et ça sera une période extrêmement intense. Il va enchaîner les projets, enchaîner les films. Il va devenir rapidement le chouchou des cinéastes. Mais cette période extrêmement effervescente ne sera pas, sera extrêmement difficile pour lui parce qu'il va d'abord travailler beaucoup, ce qui, bon, en soi, peut être un facteur qui risque, bon, d'aggraver un éventuel burn-out. C'est ce qu'il va faire, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais il y a aussi le fait qu'il s'est vite rendu compte qu'il était un Français en Amérique et non pas un Français qui était capable de devenir un Américain. Ouais. Et c'est ce déracinement, alors qu'au départ, c'est un déracinement qu'il souhaitait, c'est en partie ce déracinement qui va faire en sorte qu'il va plonger littéralement dans une grande dépression et il va se rendre compte au bout de quelques années que ce n'est pas à Hollywood qu'il peut faire sa vie, mais ça ne l'empêchera pas après. Et en fait, d'ailleurs, Michel Legrand le dit à plusieurs occasions qu'il avait passé une grande partie de sa vie dans les aéroports et dans les avions à écrire et à composer parce qu'il avait décidé que son point d'ancrage, ça resterait la France et que par la suite, ça ne l'empêchera pas de continuer à collaborer avec de grands cinéastes américains et de grands artistes américains, mais de le faire à partir de Paris et non plus à partir de Los Angeles, un lieu qu'il croyait beaucoup aimer. Il a fait la vie, une vie de pacha là-bas, là, parce qu'il gagnait très bien sa vie, mais ça a été au prix de sa santé. Et il a décidé de revenir en France pour continuer à travailler avec des cinéastes français. Il va poursuivre sa collaboration avec Jacques Demy, avec des films comme Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne et d'autres dans les années 80, et collaborer aussi avec des gens comme Jean-Paul Rapneau et Claude Lelouch. Quand ça balance, on est deux, James et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi. Ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone est trop bon, le jazz et moi. Quand on s'est donné le là, il ne manque plus que les trompettes. Et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. Aïe, mon oeil, c'est mon passeport, mon drapeau, ma vie. Dès que le tempo est là. En juillet 1986, Michel Legrand et Ginette Reneau présentent un spectacle au Festival international de jazz de Montréal. On vient d'entendre un extrait. Cette rencontre-là, cette rencontre sur scène, cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est très représentatif, André Lavoie, de ce que va devenir la carrière de Michel Legrand à partir des années 70. Oui, mais écoutez, jusqu'à sa mort, le 26 janvier 2019, à l'âge de 86 ans, il va continuer farouchement à être le touche-à-tout qu'il a toujours été. Il va réaliser un film s'inspirant de son enfance. Il va faire une comédie musicale. Il va faire de la musique de ballet. Il va travailler, par exemple, avec la soprano Nathalie Dossé sur un projet qu'il avait avec Barbra Streisand dans les années 60. Il va rester le boulimique artistique qu'il a toujours été. Et en même temps, ben, on va aussi se souvenir de lui. Enfin, plusieurs musiciens vont se souvenir de lui comme quelqu'un d'impatient, de colérique, d'irritable, quelqu'un d'intempestif, de bouillant. Mais ça fait partie de la personnalité intrinsèque de Michel Legrand et ça s'entend dans sa musique, ça s'entend dans la ferveur qu'il met dans tout ce qu'il a entrepris et ça en fait un artiste d'exception. André Lavoie, critique de cinéma au journal Le Devoir, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, André. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Mais tous les